يقول السائل حفظكم الله وهو من فرنسا. Le questionneur, qui est de France, demande qu'Allah vous préserve. أخ في بلجيكا ينصح الأخوة بعدم الهجرة إلى المغرب لأن هناك قبور تعبد ويقول. Un frère de Belgique conseille les frères de ne pas émigrer vers le Maroc, car ils s'y trouvent des tombes qui sont adorées et il dit. Certes, l'état de la France est meilleur que le Maroc, puisque les Marocains sont des apostats. Quel est votre avis à propos de cela? Qu'Allah vous préserve. C'est un grand menteur et c'est un grand menteur. Moi je demande au questionneur de lui transmettre ainsi. Ubaid al-Jabiri dit que tu es un grand menteur. Un grand trompeur, un grand escroc, un grand tricheur, un traître. Au Maroc, il y a des musulmans, même si des tombes y sont adorées. Et parmi ses mensonges et son escroquerie, et c'est pourquoi je crains qu'il n'apostasie, la préférence d'un pays mécréant à un pays musulman. Ceci est ma réponse à son encontre.